Schönen Jungdung. Deux semaines s'étaient déjà écoulées depuis sa dernière entrevue avec Lassia. Le contact n'en était pas pour autant rompu, et Jeanrine n'aurait manqué pour rien au monde le rendez-vous téléphonique du vendredi soir. Il attendait cependant avec impatience de la revoir. Ne lui avait-elle pas dit qu'il devait consulter un de ses maîtres avant d'aborder d'autres techniques? Malgré une légère appréhension et n'osant la harceler, il rongeait son frein, espérant le jour où... C'est alors qu'il y pensait le moins que ce jour-là. Jean déambulait avec sa femme dans une des rues piétonnes de Nîmes. Elle avait décidé qu'il était plus que temps de rafraîchir sa garde-robe. Il était d'ailleurs forcé d'admettre que sans elle, il porterait les mêmes chemises et jeans élimés. Il n'en demeurait pas moins que ses séances de shopping étaient pour lui d'un mortel ennui. Sa lassitude s'était dispersée instantanément comme les nuages le sont par un bon coup de mistral. À l'angle de la rue, attablée à la terrasse d'un café, la Sierrampa était en compagnie d'un homme de type asiatique, de stature impressionnante et de toute évidence bien plus âgé qu'elle. Rien dans leur attitude ne laissait paraître quelque lien affectif. Il est vrai que dans ce domaine, comme dans bien d'autres, les Asiatiques n'ont pas tout à fait la même approche que les Occidentaux. Chez eux, les contacts physiques en public, même une simple poignée de main, sont assez inhabituels. Lorsque Lassia l'avait aperçu, cela faisait déjà une bonne minute qu'il l'observait. Elle lui avait souri, inclinant légèrement la tête en guise de salut, puis s'était penché vers l'homme qui l'accompagnait pour lui dire quelque chose à l'oreille. Il était vraisemblablement l'objet du propos, car l'homme aux cheveux blonds et aux lunettes teintées l'avait brièvement regardé, inclinant lui aussi la tête. Comme à son habitude, sa femme était lancée dans un monologue sur peut-être la taille d'une chemise ou bien d'un pantalon. En fait, il ne savait trop quoi. Il venait tout juste de tourner au coin de la rue lorsque le vibreur de son téléphone lui avait signalé un SMS entrant. « Bonjour Jean. Sauf erreur, nous venons de nous croiser. Il n'y a pas de hasard. Je souhaitais justement vous rencontrer. Pourriez-vous m'appeler? Quand vous le pourrez. Rien ne presse. Bonne fin de journée. » Lassia. Il attend d'être rentré et de retrouver le calme de son bureau en fin d'après-midi. Lassia décroche à la deuxième sonnerie. « Bonsoir, Jean. Bonsoir, Lassia. » Un court silence et Lassia enchaîne. « Bien que ce ne soit pas dans ma culture, j'irai droit au but. Je souhaiterais vous présenter l'homme avec qui vous m'avez vu cet après-midi. Je lui ai parlé de vous et il est venu spécialement pour vous rencontrer. Oh, rassurez-vous, c'est un de mes maîtres et... vous pouvez lui faire entière confiance. » Avoir une conversation avec quelqu'un, fût-il maître de je ne sais quel ordre ou de je ne sais quoi, rien ne pouvait faire plus plaisir à Jean. « Sans problème. De plus, je serai heureux de vous revoir. Le plaisir est partagé. Que diriez-vous de demain vers 15 heures? Pour la circonstance, je fermerai mon cabinet à partir de midi. Nous aurons une bonne heure pour bavarder avant que Schönen n'arrive. Schönen Jungdung, c'est son nom. Et cela signifie la lumière du Dharma dans l'éternité. Mais j'ai bien conscience que c'est complètement imprononçable pour un occidental. Nous l'appellerons donc Sho. C'est entendu, je serai pile à l'heure. Oh, pour ça je vous fais confiance. Et même si vous êtes en avance, n'hésitez pas à sonner. Bonne soirée, Jean, et à demain. Bonne soirée, Lassia. Cette nuit est une des plus belles qui lui était donnée de vivre. Comme si le fait de revoir Lassia exacerbait ses capacités oniriques. Il s'allonge dans l'herbe presque contre la porte et n'a pas à attendre avant de ressentir la présence de Nathalie. Il est certain qu'elle était déjà là et qu'elle l'attendait. « Bonjour, John. Je suis si heureuse de t'entendre et de te sentir près de moi. Je sais que chaque instant qui passe nous rapproche l'un de l'autre et j'ai tellement hâte de te sentir à nouveau tout contre moi. Tu m'as tellement manqué. » « I've missed you so much, John. » »« Tu m'as aussi beaucoup manqué, Nat. » Malgré les explications de Lassia, Jean a encore du mal à accepter que ses rêves soient en fait la perception d'une autre réalité. Son inquiétude est si palpable que Nathalie l'aperçoit. « Ne sois pas inquiet, John. J'ai juste un peu d'avance par rapport à toi. Je maîtrise donc mieux cette dualité que tu ne peux le faire. Mais crois-moi, nous nous retrouverons bientôt. Nous avons fait le plus dur. » De ça, je suis certaine. Jean se rapproche et vient se coller contre la porte. Il sent un fourmillement électrique le parcourir. C'est comme une caresse. Il passe la main sur la surface noire Elle s'y enfonce légèrement. J'ai senti ta main, Nat. J'ai aussi senti la tienne. Que sont quelques jours ou quelques années en comparaison de toutes celles que nous avons vécues séparées? Nous sommes bientôt dans les bras l'un de l'autre. Le noir de la porte irradie et libère des gerbes d'étincelles. Ils ont passé tout le temps du rêve de Jean à se dire des mots tendres, à évoquer leurs étreintes. Lorsqu'ils se réveillent, Jean se sent un peu fatigué, mais de cette fatigue, il laisse l'âme et le corps heureux. À sa grande confusion, son pyjama porte les traces de son bonheur nocturne. Pour un homme de son âge, c'est inespéré, bien que peu raisonnable. Mais où peut bien être la place de la raison à ce stade? Au diable la raison! Il est pile 15 heures lorsque Jean appuie sur le bouton de sonnette de la scie en pas. Il entend les talons sur le parquet. La scie lui ouvre. Elle est magnifique, toujours d'une élégance rare. Sur le seuil, avant même de le laisser entrer, elle le prend dans ses bras et l'embrasse sur les deux joues. Même amical, le contact du corps de la scie met Jean mal à l'aise. Il se raidit. La scie ressentit la crispation. Refermant la porte, elle lui demande, l'air perplexe, « Quelque chose ne va pas ?» Tout en la suivant dans le séjour, Jean tout saute, visiblement gêné. « J'ai seulement un peu honte lorsque vous me prenez dans vos bras. Vous êtes si belle et je suis si vieux. J'ai le sentiment que ce contact est une injure à votre beauté. » La scie lui sourit, le prend par les mains, le fait asseoir sur le canapé et le regarde dans les yeux. « Jean, un jour je serai vieille et mon visage et mon corps que vous prétendez si beau sont flétris et laids comme vous dites. Peut-être même serai-je sénile, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est ce que Chaud vous expliquera tout à l'heure. À l'instant de ma mort, je me réincarnerai dans une autre dimension dans le cours d'un autre moi, pourvu que je lui ai transféré suffisamment de bon karma avant de m'éteindre. Elle-même se réincarnera à son tour jusqu'à la libération de mon âme du cycle des réincarnations, lorsque j'aurai atteint l'éveil, le nirvana. Comme je vous l'ai dit, la mort n'existe pas. Nous changeons simplement d'enveloppe, comme un serpent qui mue se débarrasse de sa vieille peau. Tout comme le serpent qui approche de sa mue se flétrit, nous flétrissons en vieillissant. Alors, n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Regardez dans mes yeux ma tendresse et mon affection pour vous. Prenez-moi dans vos bras, et lorsque je serai contre vous, fermez les yeux et ne dites rien. » Hésitant, Jean ouvre ses bras et le referme doucement autour de la scie, posant le menton sur son épaule. Elle fait exactement le même geste, ils sont l'un contre l'autre. Il sent la poitrine de la jeune femme se soulever lentement au rythme de sa respiration, puis, comme lors de la première séance d'hypnose, elle émet un son très bas à bouche fermée, une sorte de vibration qui, crescendo, irradie dans son corps et les enveloppe tous les deux. Une sérénité absolue l'envahit. Il se sent flotter, en paix. Il ressent très fort l'affection de la scie et toute la tendresse qu'elle a pour lui. Ce n'est plus un vieil homme qui tient une jeune femme dans ses bras. Juste deux âmes lumineuses qui se parlent en silence. Lorsque la vibration cesse, Jean ouvre ses bras. Comme dans une brume, il voit la scie lui sourire et sa bouche articulée des sons qu'il n'entend pas. Front, il récupère instantanément l'usage de ses sens. « Que m'avez-vous fait ?» Un sourire. « Rien que de très convenable. Je vous ai emmené à l'intérieur de nous. Qu'avez-vous vu ?» Jean reprend ses esprits. « J'ai vu la compassion, le pardon. J'ai vu l'affection, la tendresse et tout l'amour que vous avez en vous. Tout cela dans une grande lumière. C'était un grand bonheur. » La scie se lève. Je vais faire un peu de thé. Vous voyez, les Asiatiques sont peut-être plus tactiles que ce qu'en pensent les Occidentaux, mais très peu d'Occidentaux sont capables de percevoir ce que vous avez perçu. Dans le village où je suis né, lorsque quelqu'un achève sa mue et va partir pour son autre monde, intégrer son autre enveloppe, ceux qui l'aiment se mettent tout contre lui pour le réchauffer et lui donner leur amour afin que son voyage soit un beau voyage et qu'il lui soit aussi agréable que possible. Jean a du mal à contenir son émotion. « La scie, vous allez me faire pleurer. Si c'est le cas, j'espère que c'est de joie, parce que c'est ce que je voulais vous transmettre. Le thé est prêt. Venez, Jean, asseyez-vous. » Elle dépose le plateau sur la petite table. Chaud ne devrait plus tarder maintenant. Comme si elle avait un don de préscience, à peine ont-ils reposé leur tasse sur la petite table que le carillon de l'entrée retentit. « C'est chaud, je vais ouvrir. » Lassia disparaît un instant et revient, précédant Chaud, devant lequel elle s'efface pour lui céder le pas. L'homme est véritablement immense, non tant par sa stature que par sa présence. Il semble emplir l'espace. Il n'a guère besoin de parler. Il irradie la bienveillance. Inutile de chercher à lui donner un âge, bien qu'il n'ait presque aucune ride, plus de 50 ans, moins de 70. Un costume gris très simple, un soupil noir fin à col roulé. Il n'a pas ses lunettes de soleil de la veille, et lorsqu'il s'approche d'une démarche étrange, comme s'il glissait sur le sol, il n'était pas soumis aux lois de la gravité. Jean est subjugué par son regard. Des yeux verts clairs, totalement inhabituels chez un Asiatique. Jean s'est levé. Chaud lui prend les mains, s'incline. Sa voix est basse, douce, feutrée, et tout comme Lassia, l'accent indéfinissable. Je vous en prie, restez assis. Vous permettez? Il s'assied dans le fauteuil qu'occupait Lassia tandis qu'elle-même vient prendre place sur le canapé à côté de Jean. Jean, je vous présente le maître Shoeden Yongdong. Maître, je vous présente Jean Rin. Avec un léger sourire, Cho s'incline. Avec votre permission, je vous appellerai Jean. Appelez-moi Cho. Comment le pourrais-je alors que Lassia vous appelle maître? C'était pour la tradition des présentations. Je l'ai vu naître et Lassia m'a toujours appelé oncle Cho. Puis, lorsqu'elle a été initiée, a eu la permission de m'appeler Cho. Si vous le voulez bien, nous nous appellerons par nos prénoms. Je suis très honoré de vous rencontrer. Lassia m'a tant parlé de vous que je n'ai pas hésité un instant à faire le voyage de Paris. Lassia sert une tasse de thé à chacun et complète. Cho partage son temps entre Londres et Paris. Chaud s'incline pour remercier, boit une gorgée et s'adressant à Jean. Lassia pense qu'il était indispensable que je vous rencontre pour vous apporter un complément d'information. Il se tourne vers Lassia. Ce sont ses yeux qui sourient. Bien que je ne doute pas qu'elle vous ait déjà pratiquement tout dit, je sais que ce que vous vivez est une expérience très intime et qu'il peut être difficile d'en parler. Avec Lassia, vous avez noué une relation d'amitié et sa présence nous aidera dans cet entretien. Mais vous avez sans doute un million de questions. Je vous écoute, Jean. Jean ne sait pas par où commencer. Il hésite, puis se lance. Maître Chaud, vous savez sans doute beaucoup plus de choses que Lassia, puisque vous êtes un de ceux qui l'ont initié. Il n'est pas sûr que je puisse assimiler vos réponses. Je veux dire par là que je vais sans doute comprendre le sens de vos phrases, mais beaucoup moins bien le concept dont elle traite. Le sourire de Chaud est plus que bienveillant. Ne craignez rien, Jean. Étant donné le niveau de conscience que vous avez atteint, je n'ai aucun doute quant à votre capacité à intégrer notre propos. Si tant est cependant que vos questions restent dans le domaine de mes connaissances. La réponse est claire. C'est peut-être parce qu'il sait tant de choses que Chaud mesure plus que quiconque les limites de son savoir par rapport à la connaissance. Il explique à Jean que celle-ci est un but inatteignable qui reste et restera jamais caché aux yeux et à l'esprit de l'homme. Il est bon qu'il en soit ainsi, car nul humain ne pourrait approcher la connaissance sans se brûler l'âme, comme Icare les ailes pour s'être approché trop près du soleil. Jean se lance pour sa première question. Cette nuit, j'ai encore retrouvé Nathalie de l'autre côté de la porte. Comme toutes les autres fois, je n'ai pu ni la voir ni la toucher. Nous nous sommes longuement parlé, mais cette fois l'émotion était si forte que la matière dont la porte est faite était parcourue de gerbes d'étincelles multicolores. Cela signifie-t-il que nous allons bientôt nous revoir? Autrement dit, que je vais enfin quitter ce monde pour la rejoindre dans l'autre. Elle m'a dit qu'à chaque rencontre, elle nous sentait chaque fois plus proches l'un de l'autre. La réponse de Chaud est catégorique. En aucune façon. Cela signifie simplement que la connexion qui vous lie à votre amour se renforce de jour en jour. Contrairement à ce que nous avons sous les yeux au quotidien, l'amour est pourtant bien l'énergie qui gouverne l'univers. Lassia vous a sans doute déjà expliqué ce qu'il en est de la séparation entre deux plans de conscience. La porte génère une distorsion spatio-temporelle par laquelle vous communiquez avec Nathalie et le temps ne s'écoule pas de la même façon pour elle que pour vous. Ce qui vous paraît ou va vous paraître des années ne représentera peut-être que quelques jours, quelques heures ou même quelques nanosecondes pour Nathalie. Bien que perplexe, Jean acquiesce. Bien, je peux comprendre cela. Mais pour quelles raisons certains contacts durent et peuvent être très intenses alors que d'autres sont brefs et ténus? Et les êtres dans lesquels notre réincarnation se fera auront-ils tout ou partie de nos souvenirs? Chaud se carre dans le fauteuil et croise les mains. Les deux questions sont liées. Cela dépend de la quantité de karma que vous transférez chaque jour et de la somme de tous ces transferts. Nul ne peut le savoir, mais cela conditionne la quantité et l'intensité des souvenirs que votre double tiendra de vous dans l'autre plan de conscience. Encore faut-il que vous n'en occultiez pas certains et que vous puissiez raviver les autres, ce en quoi l'auto-hypnose que vous maîtrisez déjà vous sera d'une aide précieuse. Jean est profondément troublé. Nathalie est donc quelque part sur cette planète et je dois me résoudre à attendre pour la prendre à nouveau dans mes bras. Rien ne dit qu'elle soit sur cette planète. Ce qui est sûr, c'est qu'étant de l'autre côté de la porte, elle est quelque part dans une autre dimension. Jean ne peut retenir ses larmes. Elle n'est donc vraiment plus de ce monde. La sœur lui prend les mains pour le réconforter. Ne soyez pas triste, au contraire, soyez heureux de ce qu'il adviendra. Mais Lassia, je ne suis pas triste, seulement terriblement ému et surtout indigne de tel amour de la part de celle que j'ai dû abandonner en lui brisant le cœur. Chaud se rapproche aussi de Jean. J'ai cru comprendre que si vos cœurs ont été brisés, c'est que le destin et votre volonté commune en ont décidé ainsi. Contrairement à ce que vous dites, vous n'êtes pas indigne d'elle. C'est de cela aussi dont je voulais vous parler pour que vous puissiez vous préparer à la retrouver. Nul ne devrait partir en voyage en laissant sa maison en désordre. Avant de partir, il vous faudra donc ranger la maison de votre âme. C'est à cela que je faisais allusion en évoquant des souvenirs que vous refouleriez. Vous ne pouvez pas laisser de poussière sous le tapis. Et comme vous ne pouvez savoir de combien de temps vous disposerez, autant vaut-il vous en préoccuper autant que possible. D'autant qu'il vous faudra aussi, après les avoir ravivés par l'hypnose, faire remonter au conscient un maximum des souvenirs que vous emporterez lors du passage. » Il se tourne vers Lassia, ferme les yeux et se tait un instant. Lorsqu'il les ouvre à nouveau, c'est pour la regarder avec une immense bonté. Elle répond à son regard, joint les mains sur sa poitrine et s'incline en signe d'acceptation. Il n'a pourtant posé aucune question, du moins aucune que Jean ait pu entendre. Quoi qu'il en soit, Lassia vient d'accepter quelque chose. Jean est décontenancé et un peu déstabilisé par la scène muette qui vient de se dérouler. Chaud s'incline à son tour et revient vers Jean. Pour ce travail de remise en ordre de votre maison, il faudra vous faire aider. Ce n'est pas le genre de tâche que l'on peut accomplir seul. Il faudra que quelqu'un vous accompagne et vous indique où chercher pour trouver ce que vous avez si bien caché que vous ne vous rappelez même plus où vous l'avez rangé. Il faudra chercher au fond de votre âme et n'y rien laisser. Après l'avoir reconnu, vous devrez le mettre à sa place dans les étagères de votre mémoire, les bonnes choses comme les moins bonnes. Il ne s'agira pas de n'importe quelle mémoire, mais bien de celle en pleine lumière où rien ne peut être dissimulé. Je pense que Lassia est la meilleure personne pour vous accompagner dans cette quête de vous-même. Elle est d'accord pour le faire et en prendre toute la responsabilité. Un silence, puis... Acceptez-vous de faire ce travail sur vous-même, et si oui, acceptez-vous que Lassia vous accompagne? À la façon dont Jean triture ses doigts, il est clair qu'il est perturbé. Il déglutit avec peine à plusieurs reprises avant de pouvoir répondre. Oui, certainement, bien sûr, puisque cela m'aidera à retrouver Nathalie, et c'est le moins que je puisse faire, mais... Chaud le fixe de son regard si doux et si troublant. Oui, Jean, mais... Je vais devoir faire remonter à la surface des choses qui ne sont pas très belles. Lassia a été mon médecin, elle est devenue mon amie. Notre amie résistera-t-elle au déballage des scories de ma vie? Lassia se rapproche de Jean sur le canapé jusqu'à venir presque contre lui. Elle lui prend les mains et d'une voix très douce. Regardez-moi au fond des yeux. Tout à l'heure, avant que Chaud n'arrive, je vous ai pris dans mes bras et nous sommes restés ainsi l'un contre l'autre de longues minutes. Pour moi, ça a été très fort et je pense que ça l'a été aussi pour vous. Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit avoir ressenti à ce moment-là? Jean répond, sans hésiter. Oui, votre amour pour tout ce qui vit et votre immense tendresse pour moi. Bien, on adore ce qui est parfait. On ne peut aimer que ce qui ne l'est pas. Vos imperfections, les miennes, celles de Chaud, font de nous des êtres humains. L'amour est fait de dons de soi, d'acceptation de l'autre, de pardon et de résilience. Quoi que vous ayez pu faire, dire ou penser, vous avez mon pardon, comme j'espère aussi avoir le vôtre pour ce que j'ai fait ou pourrais faire. Vous pourrez tout me dire, non seulement parce que je suis une initiée, une psy, votre médecin, mais surtout parce que je suis votre ami. Quoi que contiennent les recoins de votre âme, ma tendresse pour vous en sera renforcée. Et puis Nathalie vous attend. Comment pourrais-je vous faire manquer ce rendez-vous? Mais si vous avez besoin de réflexion, prenez le temps qu'il vous faudra. Jean tourne alternativement son regard vers Chaud puis vers Lassia. Je n'ai besoin d'aucune réflexion. C'est tout réfléchi. J'accepte avec une infinie reconnaissance. Quand commençons-nous? Sa précipitation fait rire Lassia et arrache un sourire amusé à Chaud. Vous êtes bien un occidental, pressé d'avoir fini avant même d'avoir commencé. Jean sourit à la remarque, mais il a encore une question à poser. Je reviens sur un point dont nous avons déjà parlé, mais qui me préoccupe beaucoup. Lorsque la réincarnation s'accomplit, le nouveau moi conserve-t-il les souvenirs de l'ancien? C'est Chaud qui répond. C'est une question qui nous préoccupe tous. À condition d'avoir fait le travail d'introspection dont nous avons parlé, je pense que oui. Beaucoup de gens ont eu dans leur vie cette impression fugace d'être venus déjà dans un endroit où ils sont pourtant sûrs de n'avoir jamais été. À un niveau plus élevé, certains reconnaissent des personnes qu'ils n'ont pourtant jamais vues ou sont capables de réciter des textes qu'ils n'ont jamais appris. Pour les plus rares, dont vous ferez sans doute partie, la quasi-totalité de leur ancienne vie reste imprimée dans leur mémoire. Pour ceux qui ont la pleine conscience qu'il s'agissait d'une vie antérieure, dans une autre enveloppe corporelle, tout va bien. Rares, cependant, sont ceux qui témoignent, tant ils craignent de passer pour des fous. J'en demande. Et pour ceux qui n'ont pas conscience qu'il s'agit d'une vie précédente, ce doit être terrible et difficile d'accepter ces deux niveaux de mémoire. Chaud réfléchit un instant. C'est si terrible qu'ils ne l'acceptent pas et perdent la raison. Beaucoup sont diagnostiqués comme schizophrènes, alors qu'il s'agit de bien autre chose. Devant l'air subitement inquiet de Jean, Chaud le rassure. Soyez tranquille. Le niveau de vos dons naturels et la préparation que nous allons conduire avec Lassia vous mettront à l'abri de ce danger. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, vous auriez déjà, comment dit-on, ah oui, carrément disjoncté, dès les premières fois où vous avez entendu Nathalie dans votre sommeil. Encore une question, je vous prie. Chaud a toujours son aimable sourire. Mais bien sûr, nous sommes là pour ça. Merci. Cette mémoire revient-elle d'un seul coup ou petit à petit, par bribes? Là, il est difficile de vous répondre. Tout ce que nous soupçonnons est que le phénomène de recouvrement intervient après une forte émotion. Ainsi, je pense que lorsque vous rencontrerez l'autre Nathalie, vous ne la reconnaîtrez pas. Pas plus qu'elle ne vous reconnaîtra, mais vous serez irrésistiblement attirés l'un vers l'autre jusqu'à ce qu'un événement particulier intervienne. C'est à cet instant que la mémoire de votre vie passée vous reviendra. Lassia complète. Soyez serein, Jean, tout ira bien. Elle se lève, lisse sa jupe, un coup d'œil à sa montre. 17 heures déjà. Je fais de temps en temps des gâteaux et à midi j'en ai justement sorti un du four qui ne demande qu'à être mangé. Je vous laisse discuter avec Chaud pendant que je m'occupe du thé. L'heure qui suit ne sera que bavardage sur les mérites comparés, avantages et inconvénients de la vie en Angleterre et en France. Jean évoque les 10 années où il a vécu à Paris et en particulier celle où il a connu Nathalie. Il a bien été à Londres une fois, mais à part la courtoisie des automobilistes, n'en a pas gardé un souvenir impérissable. Le temps passe et le gâteau de Lassia ne s'en remet pas. À regret, semble-t-il, Chaud demande à prendre congé. Au revoir, Jean. Ça a été un vrai plaisir de faire votre connaissance. Lassia, je compte sur vous pour me donner des nouvelles régulières de notre ami. Les mains jointes sur la poitrine, les deux Tibétains se saluent d'une formule que Jean ne peut comprendre, mais qu'il suppose venir de leur vallée natale. Lassia va ensuite raccompagner son mentor. Son absence se prolonge. Elle doit certainement être en train de discuter avec Chaud. Lorsqu'elle revient dans le séjour, c'est pour retrouver Jean en pleine réflexion. Chaud vient de partir et Jean n'a manifestement pas du tout envie d'en faire autant. Lassia n'a nul besoin de mots pour le comprendre. Je sais ce que vous ressentez. Vous avez seulement besoin de vous détendre avant de rentrer. Suivez-moi, voulez-vous? Elle le prend par la main et l'entraîne dans le cabinet qu'il connaît si bien maintenant. Sans un mot, il s'allonge sur la table de consultation et Lassia se place à son côté. Elle lui caresse le front avec douceur et commence à chanter bouche fermée. J'ouvre les yeux un instant pour voir le visage souriant de Lassia penché sur lui. Comme à l'accoutumée, elle masse doucement son front avec son pouce. Il voudrait rester ainsi jusqu'à ce que Nathalie vienne le chercher. Mais il sait qu'il va lui falloir livrer un dernier combat avant de s'abandonner dans les bras de sa bien-aimée. Au bout de 5 minutes, Lassia sent l'angoisse de Jean se changer en bien-être, puis en détermination, il met fin à la séance. Sa chanson s'éteint doucement et d'une petite tape sur l'épaule, elle libère Jean de l'hypnose où son chant le maintenait. « Comment vous sentez-vous ? » « Beaucoup mieux. En tout cas, moins angoissé à l'idée de rentrer chez moi. »« Bien. Je pense que ma suggestion post-hypnotique perdurera jusqu'à notre prochain contact. » Elle appuie sur la télécommande de la table d'examen qui descend doucement à son niveau minimum. Elle prend ensuite une chaise et s'assied près de Jean. Comme vous l'avez compris, le but des séances à venir sera de faire émerger au conscient les événements de votre vie passée enfouis au plus profond de vous-même et dont vous n'avez pas forcément envie de vous rappeler. Une fois l'événement remis en lumière, il nous faudra l'analyser, comprendre pourquoi, mais aussi comment il s'est produit et mesurer quelle est la part qu'éventuellement vous y avez prise. Cette étape franchie, vous devrez le ranger dans votre mémoire, là où il ne sera plus jamais dissimulé. Vous ne pourrez le faire que si vous l'assumez et l'acceptez comme faisant intégralement partie de vous. Elle lui prend les mains, et la question qui suit n'est que de pure forme. Elle en connaît déjà la réponse. Êtes-vous d'accord avec cette proposition ? Jean l'a écoutée attentivement, il répond d'une voix calme. Comment pourrais-je ne pas l'être ? J'ai bien conscience de mettre plus que ma vie entre vos mains, en y mettant aussi l'amour de Nathalie. Mais je vous confie ma vie et mon amour sans aucune hésitation. Je sais que nous serons en sécurité. Merci de votre confiance. Une dernière précision. Une fois la phase thérapeutique achevée, donc tous vos traumatismes traités, nous passerons à la deuxième partie, la phase recouvrement. Je vous aiderai à raviver tous les souvenirs que vous désirerez amener avec vous lors du passage. Lassia réfléchit un instant. Êtes-vous d'accord pour commencer, disons, la semaine prochaine ? Jean se sent plein d'une énergie dont il se demande même s'il en avait le quart à 20 ans. Lassia, je vous fais une entière confiance. Vous m'avez déjà tant donné et surtout la tendresse dont j'avais tant besoin. Lassia est visiblement très émue. Un bref sursaut, elle redevient professionnelle. Appelez-moi quand vous vous sentirez prêt. Nous déciderons alors d'une première séance et déterminerons les autres en fonction des acquis. Ils vont échanger quelques idées sur le sujet pendant 10 minutes. Avant qu'ils ne partent, Lassia lui remet une lettre. Chaud m'a chargé de vous la remettre. Cette lecture complétera votre information sur ce dont nous venons de parler. Merci, Lassia. Vous remercierez Chaud pour moi. Jean prend congé après 2 bisous sonores sur les joues de Lassia, ce qui le fait beaucoup rire. Elle attend qu'il ait disparu au coin du chemin avant de refermer la porte. Dans la voiture, Jean va mettre la musique presque à fond et chanter, faux, à tue-tête, tout le long de la route de retour. Tard dans la soirée, dans le calme de son bureau, il ouvre la lettre de Chaud. Bonjour Jean. J'ai pensé que cet article sur Jean-Émile Charron apporterait un éclairage complémentaire aux questions que vous vous posez. Je ne saurais trop vous conseiller la lecture des ouvrages de cet éminent astrophysicien, auteur de « J'ai vécu 15 milliards d'années » et de « L'esprit, cet inconnu ». J'y joins quelques notes sur le multivers. Je me permets de vous rappeler de prendre rendez-vous sans tarder avec la SIA pour débuter au plus vite les séances qui vous permettront de rééquilibrer votre mémoire en mettant en pleine lumière vos bonheurs, mais aussi et surtout vos souffrances cachées. Puis viendra le temps où, en toute quiétude, vous pourrez travailler sur votre mémoire pour raviver les souvenirs de votre choix. Soyez confiant. Votre dévoué, Chaud.